Lettre G du Dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre G. Gagne petit. Belle enseigne pour une boutique, comme inspirant la confiance. Gaieté. Toujours accompagné de folle. Galant homme. Suivant les circonstances, prononcez galantuomo ou gentleman. Galbe. Dire devant toute statue qu'on examine, ça manque de galbe. Galet. Il faut en rapporter de la mer. Gallophobe. Se servir de cette expression en parlant des journalistes allemands. Gamin. Toujours de Paris. Ne jamais laisser sa femme dire « Quand je suis gai, j'aime à faire le gamin. » Gant. Donne l'air comme il faut. Garde. La garde meurt et ne se rend pas. 8 mots pour remplacer 5 lettres. Garde-côte. Ne jamais employer cette expression au pluriel en parlant des seins d'une femme. Garde-chemin de fer. S'extasier devant elle et les donner comme modèle d'architecture. Gaucher. Terribles à l'escrime, plus adroits que ceux qui se servent de la main droite. Gendarme. Rempart de la société. Gendarmerie. Dite force publique ou maréchaussée. Gendre. Mon gendre, tout est corrompu. Génération spontanée. Idée de socialiste. Général. Est toujours brave. Fait généralement ce qui ne concerne pas son état, comme être ambassadeur, conseiller municipal ou chef de gouvernement. Génie. Le. Inutile de l'admirer. C'est une névrose. Génové fin. On ne sait pas ce que c'est. Genre épistolaire. Genre de style exclusivement réservé aux femmes. Gentilhomme. Il n'y en a plus. Géomètre. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Giaour. Expression farouche d'une signification inconnue, mais on sait que ça se rapporte à l'Orient. Gibelotte. Toujours faite avec du chat. Giberne. Étui pour bâton de maréchal de France. Gibier. N'est bon que faisant des. Girafe. Mot poli pour ne pas appeler une femme chameau. Girondin. Plus à plaindre qu'à blâmer. Glace. Il est dangereux d'en prendre. Glacier. Tous napolitains. Glèbe. Là. S'apitoyer sur la glèbe. Globe. Mot pudique pour désigner les seins d'une femme. Laissez-moi baiser vos globes adorables. Gloire. N'est qu'un peu de fumée. Gloria. Un Gloria ne marche jamais sans sa consolation. Gobelin. Tapisserie des. Est une œuvre inouïe et qui demande 50 ans à finir. S'écrier devant « C'est plus beau que la peinture !» L'ouvrier ne sait pas ce qu'il fait. God damn. C'est le fond de la langue anglaise, comme disait Beaumarchais, et là-dessus on ricane de pitié. God save the king. Chez Béranger se prononce God save the king, et rime avec sauver, préserver. Gog. Toujours suivi de Magog. Gomme élastique. Est faite avec le scrotum de cheval. Gothique. Style d'architecture portant plus à la religion que les autres. Gourmet. Toujours précédé de raide. Goût. Ce qui est simple est toujours de bon goût. Doit toujours se dire à une femme qui s'excuse de la modestie de sa toilette. Grammaire. L'apprendre aux enfants dès le plus bas âge comme étant une chose claire et facile. Grammairien. Tous pédants. Gras. Les personnes grasses n'ont pas besoin d'apprendre à nager. font le désespoir des bourreaux parce qu'elles offrent des difficultés d'exécution. Exemple, la du Barry. Grêlée. Les femmes grêlées sont toutes lascives. Grenier. On y est bien à 20 ans. Grenouille. La femelle du crapaud. Grisette. Il n'y a plus de grisette. Cela doit être dit avec l'air déconfit du chasseur qui se plaint qu'il n'y a plus de gibier. Grog. Pas comme il faut. Grotte à stalactites. Il y a eu dedans une fête célèbre, bal ou souper, donnée par un grand personnage. On y voit comme des tuyaux d'orgue. On y a dit la messe pendant la Révolution. Groupe. Convient sur une cheminée et en politique. Guérilla. Fait plus de mal à l'ennemi que l'armée régulière. Guerre. Tonner contre. Gulf Stream. Ville célèbre de Norvège nouvellement découverte. Gymnase. Le. Succursale de la Comédie-Française. Gymnastique. On ne saurait trop en faire. Exténue les enfants. Fin de la lettre G. Enregistrée par Ezoa, en Belgique, en septembre 2008.